plus que temps de lancer les micros. Enfin non, de les allumer, on les lance pas. Pour ce Pyongyang Styrokers numéro 317, avec ce soir, Célio. Salut. Attends, tu parles plus fort. Faut que je parle plus fort, salut. Ouais. Gaël. Salut. Et Jamie. Salut. Et derrière moi, le grand témoin, qui ne dit jamais rien, sauf vraiment quand on le force, c'est Manu. Et derrière moi, le grand témoin du bar, c'est Ripoll. Bon ben voilà, ce soir, programme un peu chargé, vu qu'il y a de la nécrologie. Chamache. Et donc ben voilà, il va falloir rendre hommage aux grands qui nous ont quittés. Pour l'instant, rendons hommage à ceux qui nous ont enchantés ce samedi à la Bulle Café, les Los Angelesiens. Je sais pas si on disait comme ça. Non. Enfin, les Angelinois. Les Angelinois de Bertolt City. Avec une voix qui ressemble à s'y méprendre une grosse voix bien connue du hardcore new-yorkais. C'est Bertolt City qui vont nous faire maintenant Moment of Truth. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. Ouais, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, puis voilà, ça a dérapé un petit peu. Voilà. Ouais, et puis il y avait aussi Riskit, hein, ouais, Manu, toi, c'est bien qu'il soit là comme grand témoin, parce qu'il me dit, ouais, il y avait aussi Riskit, les Allemands, c'était encore aussi bien. Et moi, puis, j'ai vu des vidéos que de Riskit sur les internets. Hein. Bah ouais, mais si tu veux. Bon, pourquoi? Enfin, je sais pas. Je sais pas, ça devait être le groupe de la soirée. Je préfère. Ouais, et puis ouais, ils sont peut-être plus connus, quoi, je sais pas. Ouais. Et sinon, il y avait Drops aussi, des petits gars d'Arras, qui sont assez prometteurs dans le genre. Ah, ouais. Metal bon. Aussi hardcore. Non, plus hardcore. Ouais, il y a un côté plus metal quand même pour Drops. Ouais. Et voilà quoi. Donc, youpi, hein, c'était organisé par Test of Mind. Et c'est tout, je crois. Youpi, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, Test of Mind. Bonsoir, Test of Mind. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté? Vas-y, vas-y. Ah, bah moi, je suis venu pour... Enfin, je suis venu comme toutes les semaines. Mais aujourd'hui, je suis venu pour présenter une soirée qui se déroulera samedi, le 9 décembre, au Black Lab, à Wascal, à côté de Lille. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent en général, ils savent à peu près où est-ce que ça se trouve, Wascal. Donc, il y aura les 40 ans de Scraps et 4 groupes invités, enfin, ou 3. Je sais pas. Non, 4, mais il y en a un qui change apparemment. Il voilà. y a un groupe de crust mythique des années 80 aussi, comme Scraps, qui s'appelle Hiatus. font du crust, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas, Stéphane, oui. Dans la dénomination. Ouais, crust du beat, ouais. Enfin, c'est Hiatus, quoi, c'est du Hiatus Core presque. Mais ils ont aussi contribué à poser le style quand même. Il y aura le futur groupe de légende Jody Faster qui viendra présenter son nouveau split 7 pouces qu'il partage avec un groupe américain qui s'appelle Corrupt Vision. Donc ils ont trois morceaux qui n'étaient jamais sortis sur des disques à ce qui paraît. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà là, mais... Il y en a deux qui étaient déjà sortis sur cassette, ça, en fait, quand ils sont partis sur leur tournée américaine, mais ils n'étaient jamais sortis officiellement en France, en tout cas. Voilà, Célia, la spécialiste en Jody Faster du PCR. C'est curieux, quand même. Il y aura aussi deux autres groupes belges, parce qu'il y a déjà Hiatus. Il y aura Plague 13 et normalement Rod Stewart. Mais on ne sait pas si ça jouera. Apparemment, on va dire que ça ne jouera pas parce que le bassiste va être papa à la veille. Voilà, ça n'empêche rien, ça. Enfin, franchement, quel feignant. Hein. Comme on dit dans le quartier, Psartek, Max. Donc je ne sais pas, Stéphane, tu peux piocher dans un des quatre groupes. De toute façon. Pour l'instant, là, j'ai trouvé Jody Faster. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver Scraps sur Bandcamp. Pourtant, je sais qu'ils y sont. Oui. Je sais pas ce que c'est le nom. Il y a plein de Scraps, mais pas celui-là. T'as même pas ramené les morceaux. J'ai oublié ça avec les USB. Jody Faster, on peut en passer un ou deux le temps de trouver Scraps. Ouais. Extrait de ce nouveau split EP qui sera donc disponible dès samedi auprès du merchandising Don't Trust the Hype. Si tu veux, on peut même passer les trois titres, hein, vu qu'au total, ça fait à peine 2 minutes pour les trois titres. Bah moi, je suis partant. Hein. On l'a déjà fait lundi sur RCV chez Schnapps. Ah, t'as été voir Schnapps ? Non. Ils m'ont appelé. Ah, d'accord. T'as fait un phoneur, comme on dit. Hein, ouais. Bon, c'est bien. Bonsoir, Schnapps. Je sais qu'ils nous écoutent, là, cet enfoiré. Je sais plus si c'est la face A ou la face B, mais on va écouter l'intégralité de la face Jody Faster sur le 106,6 Pyongyang City Rockers et samedi au Black Lab pour les 40 ans de Scraps. Charles. Non, l'autre groupe, il passera pas. Même quand on sait que ça va vite, on se fait surprendre. C'est clair. Ouais. Voilà, c'était Jody Faster avec les trois morceaux disponibles sur la nouvelle galette 7 pouces qui sera disponible ce samedi au Black Lab auprès de Don't Trust the Hype. C'est un split qu'il partage avec les Américains de... Les Américains de Corrupt Vision. Bon. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé ton truc. Jamie. Juste. Donc c'est à toi, Jamie, alors. Ouais. Non, moi c'est à 30. À 30 ou ça, 30 ans, d'accord. Je passe un petit truc. Ouais, par contre, il faut que. Ouais, aussi. Parce que bon, ça va être compliqué. Émission préparée. Moi, je t'ai donné mes morceaux. Tout le monde a préparé. Ouais, mais si tu veux, bon, comme sinon, là, c'est le bordel dans tous les azimuts. Ok. Eh ben, je vais passer voilà. Bah, je sais pas. Je vais passer un groupe de punk hardcore malaisien avec une fille qui chante. Ça s'appelle Unseen. Leur EP s'appelle Unworthy Desire. Il est sorti en janvier 2023 en cassette sur le label Into the Fray Records. C'est un label malaisien. Et c'est bien, pas eu... c'est l'avenir. Ouais. J'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos là-dessus, donc je vais passer le morceau Get Out de Unseen. Bon, bah c'est tout. Vive le. C'est vraiment encore l'avenir, la Malaisie ? Tout de suite, hein, c'est le bordel. Hein, bon, on me réclame un morceau, et bien, puisque c'est comme ça, je vais directement en Serbie pour vous présenter un groupe dont auquel que le nom est un nom hongrois, Disnotor, ça veut dire salaud en hongrois, apparemment. Mais par contre, ils chantent en serbo-croate. Enfin, maintenant, faut dire serbe, parce que tu sais, depuis que les pays sont plus rassemblés en un seul morceau, les langues elles se sont plus mutuellement compréhensibles. C'est curieux quand même. Ah bon ? Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Hein. Donc ils créent des vocabulaires différents et tout. Enfin, un truc de fou. Bref, toujours est-il que là, il s'agit d'un oiseau, petite ça, exact, le même mot qu'en russe, pour dire. Hein. Bon, voilà. Un oiseau qui est à l'intérieur du chanteur là, et qu'il aimerait bien voir s'envoler et s'épanouir, tu vois, et chanter face au soleil. Bref, voilà. Le mec, il crache de l'oiseau, quoi. Oui, enfin, je sais pas s'il est crache ou si ça sort par un autre ton, hein, mais toujours. Toujours est-il que voici Disnotor sur leur démo sortie en fin 2022. Salaud. Avec Petite ça. Ça démarre. va pouvoir. Ouais. Non, pas tout de suite. Dire que Pyongyang City Rocker, c'est l'émission Blind Test, devine le morceau qui passera après. C'est pas ou mal. Le morceau qui passera trois fois de suite. Voilà. on va essayer de le refaire quand même. Hein. C'est bien. Mais par contre, on était là de l'autre côté, on écoutait, c'était vraiment bien. Puis, ça passait crème, quand même. Crème. Ouais. Si on n'avait rien dit, ça serait même pas entendu. D'ailleurs, personne n'écoute. On peut dire la troisième fois, si. La deuxième fois, on peut passer crème. Mais trois fois l'intro. Ouais. Exactement. Bon, moi je reste sur ma soirée samedi 9 au Black Lab à Wascal. Donc le Black Lab, c'est métro Edgar Pisani pour ceux qui viennent pas en voiture, pas en vélo, pas à pied. Il y a le métro. Et toutes les soirées du Black Lab font en sorte que vous puissiez rentrer chez vous avant le dernier métro. Bravo. Ils sont comme Cendrillon. Quelqu'un a l'adresse exacte du Black Lab ? 8 rue des Champs. 8 rue des Champs, c'est dans une zone industrielle. Et en fait, ils sont pile poil sur la limite des trois communes, Villeneuve-d'Ascq, Wascal et Mont-Saint-Barral. Ouais. Donc, franchement, t'es dans la même rue, tu passes dans trois communes différentes. Quoi. C'est un truc de fou. Quoi. Et c'est juste là où ils sont, le Black Lab. Donc, tout le monde est concerné, en fait. Et tout le monde. Mais exactement. Ils sont mis au point stratégique. Montois, Villeneuvois ou Wascalien. C'est pas loin. N'hésitez pas à venir avec votre grand-mère, votre frère, votre. Tout ce que vous voulez. Ouais. Tu crois qu'il y aura du monde ? C'est pas cher ? Ouais, c'est prix libre. C'est prix libre. Ah non, si. Attends, attention. Ça peut être cher si tu décides. Ah oui. Ah ouais. Ah, c'est des personnes qui font comme aux 31 ans de Toxic West, on va être bien. Ouais. Qui donnaient 1 euro par année d'existence. Oh putain. Voilà, c'est ça se compte sur les doigts de la main. Mais bon. Ouais. Revenez si. Donc, faudrait quand même mettre 40 balles, merde. Tout à l'heure, on a passé Jody Faster, on disait qu'il jouait pour les 40 ans de Scraps, donc on va écouter Scraps pour ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe de punk hardcore créé en 82, première sortie. 83. Voilà, cassette est sortie en février 83. Non. Donc je pense qu'ils sont sortis en 82. Je pense que, 83. Enfin, je sais pas si c'est février, mais en février. Tout cas. Février. Dixit, Raph, Scraps. Oui. C'est sûr que c'est pas février 84. Quand j'ai fait mes recherches. Ouais. J'ai d'autres recherches qui disent d'autres choses. Ben ouais. Mais je vais les taire pour l'instant. Ouais. De toute façon, j'ai trouvé des nouvelles sources, en fait. C'est eux les plus anciens. Ouais. Enfin, ça c'est sûr, de toute façon. Et en fait, ça a été inventé ici, à Lille. Enfin, dans la région, dans Pas-de-Calais, quoi. Dans Pas-de-Calais, ouais. Ouais. C'était de Boulogne. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, je t'ai laissé la délicate. Je sais jamais parlé. C'est le choix du morceau. Ouais, voilà. Délicatement, j'ai choisi Endless Source of Inspiration. C'est une chanson qui est dédiée à quelqu'un qui n'est pas nommé, mais je pense savoir de qui il s'agit. C'est un copain qui est décédé il y a quand même déjà pas mal d'années, mais qui avait beaucoup aidé Scraps à l'époque, et même prêté son camion pour faire plusieurs tournées, y compris à l'étranger. Et puis, qui était toujours une main secourable, qui filait pas mal de coups de main et je pense même un petit peu de thunes et qui en plus de ça était un militant politique qui a permis de mettre les idées en place, enfin de les garder en place. Voilà, je ne donnerai pas son nom parce que je suis pas tout à fait sûr qu'il s'agit vraiment de lui, mais je leur demanderai samedi. On le dira hors micro ça. Et puis démerdez-vous pour savoir de qui on parle. Et donc voici Endless Source of Inspiration par Scraps. C'est les anciens, hein. Faut le temps que ça arrive. Ça va arriver. C'est Ben Kemp, ça. Yeah! Ah oui, d'accord. Eh ben, ça va répéter. Hein. Ben, répétons. Et donc ça, c'est une avant-première de samedi. Ouais, je suis d'accord que enfin Scraps avec du bon son, mais ça n'a pas le charme de l'ancien, des années c'est 80, pas en train de fumer. Tout ça. voilà, il est pas fumé le son. Et puis ouais, voilà. Alors que hein, quand on faisait les trucs à la bonne franquette, voilà, c'était mieux. enfin, pour ceux qu'on connu. Voilà donc Scraps qui fête leurs 40 ans ce samedi. Au Black Lab. C'est fou, il est 20h24 à l'antenne de Campus, c'est Pyongyang Sea Rockers, numéro 317, et voici Célia. C'est à moi. je vais encore rester sur un groupe de punk hardcore, mais cette fois américain, avec une fille qui chante encore. ça s'appelle Choc. Hein? C'est pas What? Non, ça s'appelle What, pardon. Ouais, d'accord. C'est parce que j'ai inversé dans mon... Je me suis dit aussi que c'était bizarre. pour l'instant, ils ont sorti qu'un seul morceau qu'on peut retrouver sur Bandcamp. Et du coup, j'ai un peu hâte d'entendre la suite parce que c'est pas trop mal. Du coup, le morceau s'appelle Choc. Et c'est What. Bah, bon, bah voilà. Enfin, un groupe qui prévient Stéphane. C'est bientôt fini. Ce qui est, c'est qu'on discute en même temps. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui discutera plus beaucoup, ou alors avec les anges dans la cité du même nom, c'est Tailuk. Donc, tout le monde est au courant maintenant qui est décédé. Je ne sais même pas de quoi exactement. Enfin, bref. Il est décédé d'un arrêt cardiaque en déménageant ses boîtes de livres qu'il devait libérer pour les JO. C'est vrai? Ouais. Wow. Putain, première victime. Ouais. Bon, et eh ben d'accord. Moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Tout a déjà été dit. Bien ou mal d'ailleurs, t'as des débiles qui s'acharnent sur certaines histoires, et puis d'autres qui essayent de voir un petit peu plus loin et un peu plus de manière un peu plus globale ce que Tailuk et la souris dégringuée ont apporté. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie, mais bon, j'oblige personne. Donc voilà. Pour un groupe tendancieux, c'est quand même cool d'avoir donné sa chance à NTM et à Syndrome 81. Ouais. Voilà, Syndrome 81 aussi. Ouais. Donc, je fais leur premier concert avec la souris. Ouais, il faudrait le dire à certains pour. C'est dit. Leur rabattre leur caquet. Ouais. La souris, ouais, donc avec. Il faisait un peu tout comme paroles de chansons et des fois des trucs politiques sans préchi-précha, comme ce Beaucoup de liberté que moi. Dont j'ai toujours trouvé que c'était un de leurs meilleurs. Parce que à la fois, t'avais. C'était pas. trop punk, enfin pas trop boom boom, et dans la musique. Et puis par contre, les paroles, elles posent bien les choses et te disent bien à toi, auditeur ou auditrice, ce que tu pourrais penser de ta propre condition. Moi, je propose qu'on laisse les micros ouverts, comme ça Manu pourra chanter. Voici donc Beaucoup de liberté, La souris déglinguée, et Ciao Tailuc. Il est 20h32 à l'antenne de Campus 106,6. C'est Pion Gangsty Rockers numéro 317. Et par ailleurs, qui est-ce qui déboule face au micro et dans vos oreilles? Déboule. C'est moi, ouais. C'est toi, ouais. Ouais, je vais vous passer un rap irish. C'est. Pourquoi ça, rap irish? Rap irish. Irlandais. Ah, rap irish. Irish, ouais. C'est un allemand, ça, rap irish. Mais Günther Rapirich, non. C'est Laurie Craig. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire c'est son nom, ah, prénom. Prénom, nom. Non. Laurie, prénom. Prénom, non. Prénom, non. Prénom, non. Exactement. In the meantime. Bon, et ça commence cut là, je peux y aller? Ah ouais, là ça. C'est Irlande du Nord ou Irlande du Sud? Je crois que c'est du Sud quand même. Ah, quand même. Waiting for a track to explode on. Cooped up in the lab, it's like a kick to the colon. I can't breathe, put this on me for so long. I roll deep, you're more like a Volon. That's low key, my pen drips like nosebleeds. I'm ghostly, still be on your chin like goatees. About to turn 20, but I'm feeling like Oatsy. Smoking to the roach, still blowing out ghosties. I got a split personality. Dreaming about the salary and vanity. The other phantom squirms against humanity. And I don't wanna stand to be a spot of broken energy. Like Motorola batteries. Hold the phone, I'm raging war, you better call the cavalry. So this is where I fit the snap. Hip-hop in this country was nothing. I grew up to it casually. And most of you never really caught it with the raps. We don't wanna hear that shit in the meantime. just loiters in peace, son. Sometimes the weight gets too heavy. Test me, but don't you dare tell me. My belly is empty, my two days venting. If I had it going up with you like a sentry, I'm feeling right. I'm killing this, there isn't realizing this, so the art just don't feel the hype. We don't wanna hear that shit in the meantime. No, one. So we don't wanna hear that shit in the meantime. No more Mr. Nice Guy. Fuck the hippy dippy, one love, living life high. I got to set it straight, I've been trying to elevate. I need to step up, be the man now. Most you lads getting caught with your pants down. Put my tunes in the gaff while you dance, man. But you won't receive my presence, fell. I just rap about it cause I didn't wanna get with help. You laugh now, but will it all be funny when it's not wetting yet to me? And the numbness of your gums, just I'm on the pain no more. The subtlest withdrawals got you open by the balls, and there's nothing out about them. I've been whacked out of it 2 days since the Mississippi Blues. In a city rhythm with an outsider's view. Step into my shoes, I want you to feel the feet. Little bit hypocritical, should you act too? But with a pinnacle of opposites with nothing else in common. You know the problems you're causing, they're the ones I'm trying to solve. I fight that I fought, the lies it just stops. The lies it just rots. I'm going to the top, and the weight's about to drop. The best of me is only cool, cause I know about my worst is break a promise to 72 virgins. What I'm trying to say is we're so certain of what is absolutely uncertain, God. But we don't wanna hear that shit in the meantime. In the meantime. So we don't wanna hear that shit in the meantime. In the meantime. And we don't wanna hear that shit in the meantime. In the meantime. But sometimes the weight gets too heavy, okay. Test me, but don't you dare tempt me. My belly gets empty, my doula is venting. If I had a gun, I would chew like a sentry. I'm feeling right. Yeah, I'm killing this. The heads are realizing this, so they all just gon' kill the hype. But we don't wanna hear that shit in the meantime. No, more. So we don't wanna hear that shit in the meantime. Get the fuck up on my face, man. D'où viens-tu? Viens d'où? De Belgique. Il y a un SoundCloud aussi pour ceux qui aiment bien. Yes, Lige. Lige, ouais. Bah, du coup, c'est bah, ça. C'était bien, Laurie. Hein. Ouais. Cool. Hein. Il y a un clip là, disponible sur YouTube. Vous êtes surtout derrière l'écran. Il y a un SoundCloud aussi. Ouais, donc ça s'écrit L-A-W-R-I-I-I. Et C-R-A-I-C. C'est. Ah, ouais, ça c'est pour qu'ils se rappellent pour écrire les noms c'était après. C-R-A-I-K. C'est pas le même mec. Oh. Non, non, non, non. Bien sûr. Pas de blague. Bon, un autre groupe qui a eu certainement plusieurs groupes qui ont porté ce même nom, c'est Hiatus. Ouais. Donc on parle de celui qui a 30 ans d'âge. Qui vient de Liche. J'étais là pour rajouter des années Liche. Sur la gueule. Et donc ils seront aussi. Ils ont été invités par Scraps parce que c'est des amis de longue date. Des amis. Pour venir donc fêter les 40 ans ce samedi. Maintenant vous le savez, hein, c'est au Black Lab, à prix libre. J'ai pas dit à partir de quelle heure c'était. C'est 19h30. Ouverture. Non, premier concert. 18h30, ouverture des portes et 19h30, premier concert. Elle est au courant de tout, c'est bien. Tu vas pas lui faire. Community manager. C'est clair. Donc, on a sélectionné avec Stéphane un morceau extrait de leur dernier album en date. Non ? Non. C'est... Non. Je ne sais même pas quand il paraît celui-là. C'est un morceau qui risque de parler à beaucoup de personnes. Donc, oui. Think with your dick, ne pense pas. Avec ta bite. Avec ton flic. Sur Radio Campus Lille, 106,6, la radio du Prépuce. Radio Prépuce. Don't think with your dick. Ah bah oui, voilà, hein, c'est ça aussi. Hein. Pense pas avec ta bite, c'était Hiatus sur 106,6, Radio Campus Lille, Pyongyang, Stereo Cars. T'as une annonce ? On a une demande d'un auditeur qui nous demande si on a un CD d'un groupe hardcore de la région lilloise qui a sévi il y a plus de 25 ans et qui s'appelait Chirurgical Spirit ou Da Chirurgical Spirit. C'est du hardcore quoi ? Du hardcore rap, du hardcore metal ou du hardcore punk ? Je pense plutôt du hardcore punk. Ouais. Sinon, okay. On ne nous demanderait pas ça. Ouais. C'est un nom que j'ai jamais entendu. Donc bon, nous, on n'a pas ça dans notre discothèque. Non. Mais si vous, auditeurs du Pyongyang City Rockers, avez ça qui traîne quelque part, n'hésitez pas à nous envoyer un message. C'est le papa de la fille qui chante qui me demande ça. Ah. Donc, c'est quelque chose d'important. même la chanteuse ne renomme même plus ça dans sa discographie. Ah, oh, punaise. Voilà, donc si vous avez ça qui traîne quelque part, un petit rip, une petite gravure. On va demander à Nénès aussi. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai. Nénès, si tu nous écoutes. Mais si quelqu'un nous écoute et puis qui a ça dans ses trucs, qu'il ou elle se signale, hein, pas de problème. Je rappelle le nom du groupe, c'est soit Da Chirurgical Spirit ou Chirurgical Spirit tout court. Tout court. Tout court. Ça va, Célia ? Ça va. Ça va, ça va. J'attendais qu'il finisse son annonce. Tu vas nous faire un bloc, là. Ouais, un petit bloc. J'ai trouvé une petite nouveauté. Non, non. Petite nouveauté de punk froid qui vient de Brest. Ça s'appelle Grisaille. C'est ça le. C'est un nom lillois, ça. Brest c'est froid carrément. Grisaille. Ils ont volé le nom d'un groupe lillois. Franchement, vu le nom, c'est clair. C'est le nouveau projet de Jackie et Fabrice qui font partie de Syndrome 80. Oh, bah du coup, ils ont le droit, quoi. Non, ouais, c'est leur. Le deuxième side project de l'année des deux gaillards. Ils étaient venus début d'année avec Mentalité 81 et les reviennent avec Grisaille. Grisaille qui d'ailleurs était un fanzine nantais, je pense nantais ou rennais, qui a fait qu'un seul volume. Okay. C'est pas beaucoup. C'est con, parce que ouais. C'était plutôt prometteur. Mais bon, le nom maintenant a été repris par un groupe qui, lui, en vaut vachement le coup. C'est clair. Donc ils ont sorti un EP chez Symphony of Destruction. Label de Brest, la semaine dernière, et il y a deux morceaux sur cette EP, et je vais passer Blessure. Bon, et puis j'envoie. Ouais. Merci. We'll be right back. C'est bien, derrière moi, il y a Manu qui connaît toutes les paroles. Ah bah, les voilà. Patrons du punk oi moderne. Qui passe bientôt aussi au Black Slab. Ouais, au mois de janvier, c'est ça. Février, je crois. Février. Ça va barrer. Ils joueront avec Caros Kuro, Utopie et Oi Boys. C'est ça. Putain. Si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être un des groupes qui figure pas à l'affiche, mais bon. Ouais. Ça restera une, soit. Une soirée de tuerie. Bon, on ouais, rigole, mais faut continuer la nécro là. Donc, Shane McGowan, deuxième du groupe, nous avoir quitté. Ouais, un Irlandais en plus, né en Angleterre, hein, mais bon, quand même. Personne n'est parfait. et comme tout le monde s'est empressé de passer des titres des Pogs, bah moi non. Ah, les tétons qui pointent. Ouais, les nipple erectors, enfin les pointeurs de tétons. Les pointeurs de tétons. titre de je sais pas quand, 78 79, mais qui est ressorti uniquement en 87 sur une compile de raclage de fond de tiroir. Je sais pas, ils avaient besoin de sous, certainement, j'en sais rien. Parce que c'est un groupe qui a pas duré longtemps, hein, genre 77-78, un truc comme ça. Je sais pas si ça a inspiré Mikey, le chanteur des Rysel Irish Boys. Mm. Il y avait une association avant qui s'appelait les 5 qui pointent. S-I-N-T-S. Ouais. ouais. Bon, bah, je ne sais pas. On lui demandera à l'occasion. À creuser. Voilà. Enfin, non, justement, ça ne creuse pas. Et donc, aussi. Quel morceau t'as choisi? En hommage à Shane McGowan, The Nipple Erectors avec So Pissed Off. Yes. Ouais, parce que franchement, il a merde, toutes ces conneries, bordel. Ah, allez, boum. Ras le cul. Si ça démarre. Ras le cul. Mar. C'est tout. C'est quand même mieux que les Pogs. Je préfère, hein, carrément. Non, il y a quelques trucs bien à les Pogs, mais des fois, c'est un peu bon. T'as dit quelques. Ouais, quelques-uns. Voilà. Alors que Nipple Erectors, ils n'ont pas eu le temps de faire de la merde. En fait, voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Bon. J'avoue. T'as encore un truc à présenter. J'ai encore un groupe qui tâche bien. Ouais. Plague 13. Oui. Quatrième groupe qui jouera. Ce samedi 9 décembre au Black Lab pour les 40 ans de Scraps en compagnie de Hiatus et de Jody Faster. C'est des Flamands dans lesquels on retrouve. Il y a un métis aussi. Mick, hein. Mick qui jouait dans. Merde, je sais plus dans quoi il jouait déjà. Link, ouais. Lui, c'est un métis. Hein. Et sa mère, elle est française. Ah, bah ouais, attends. Pas de problème. Alors, tu vois, ça ne sait pas, il n'est pas vraiment flamand. Donc, ouais, on peut dire, ouais, c'est peut-être du copinage, mais. Mais exactement. T'as qu'à être un de nos potes. Hein ils ont sorti combien de disques, Plague 13? Je sais pas. mais là, je vais te le dire tout de suite, là, maintenant, vu que hop, je suis sur le Bandcamp. Alors, on va dire 4. 4. Ouais. C'est extrait de quel album, le morceau? J'en sais rien. Ça, on dirait l'émission de la semaine dernière. Ouais, non, mais là, c'était nos invités. Qui, c'est clair. Et puis bon, ils avaient des excuses. Alors que là, non, on n'en a pas. Si, sauf qu'il y a quelqu'un qui a oublié sa clé USB chez lui. eh bien, pendant qu'il regarde son téléphone, je vais pouvoir annoncer le titre qui vient, Plex 13 avec Stupidity on Demand, que vous pourrez retrouver samedi au Black Lab pour les 40 ans de Scraps. Et si ça démarre, hein. Ça tourne. Il tourne, le petit Van Camp. Ah, j'ai entendu un petit truc, ça va aller. Moline. Ça arrive, ça arrive. Ah non, c'est là. Back in your life. What a trap. Back in your life. Damn right. What a trap. Just a trap. Living in God. Vraiment excellent ce Plex 13. Ça va tabasser ce samedi au Black Lab pour les 40 ans de Scraps. Youpi, il nous reste quelques secondes pour dire au revoir et puis on va se quitter avec le dernier décédé des 10 jours qui viennent de passer. C'est Jordy Walker, guitariste fondateur de Killing Joke, qui est mort il y a un peu plus d'une semaine. C'est tout. Hein. Et puis en attendant que le reste des genres reste vivant, on va passer A New Day par Killing Joke. Et puis on se retrouve la semaine prochaine où nous serons le 13 décembre, le 13-12. Devinez le thème de l'émission. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on vous dit au revoir. Thibaut sera là. On vous dit au revoir. Et puis à la semaine prochaine. Et on n'oublie pas. À cab. À cab.